إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Donc ceci est la conférence mensuelle du mois d'octobre 2013 qui a pour titre les règles liées au sacrifice de Eid al-Adha, ce sacrifice qui est appelé en arabe al-Udhiyah. Et durant cette conférence, où je me suis basé sur cette conférence, sur un épître de l'éminent savant Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, qui a écrit un livre appelé Ahkam al-Udhiyati wa al-Zakah, les jugements de al-Udhiyah, c'est-à-dire de la bête sacrifiée pour Eid al-Adha, et les règles également qui régissent l'égorgement d'une bête. Et le cheikh lui-même a fait un résumé de son livre. Il a fait lui-même un résumé de son livre initial, et c'est sur ce résumé que j'ai basé ma conférence. Donc la quasi-totalité de ce que je dirais sont au mot près les paroles de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, sachant qu'à ma connaissance ce livre n'a jusqu'à aujourd'hui pas été traduit, malheureusement, car c'est un livre extrêmement bénéfique, comme vous pourrez ou comme vous aurez l'occasion de le constater, inshallah ta'ala. Le cheikh rentre vraiment dans les détails. Et il est bon de temps en temps de faire des conférences scientifiques, des conférences ilmiyah, dans lesquelles on traite un sujet en profondeur, bien sûr, à la lumière du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Concernant al-Udhiyah, quelle est sa définition et quel est son jugement ? Al-Udhiyah, ce sont les bestiaux qui sont sacrifiés le jour de Eid al-Adha. Le jour de Eid al-Adha. Pourquoi est-ce qu'on les sacrifie le jour de Eid al-Adha ? Parce que c'est le jour de l'Eid, et pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sacrifier la bête le jour de l'Eid fait partie des emblèmes de l'islam qui sont légiférés dans le Coran, dans la Sunnah, et ceci fait l'unanimité des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Kawthar, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Et il dit Azza wa Jal dans Surat al-An'am, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. والنسك هنا الذبح كما قاله سعيد ابن جبير رحمه الله. الله عز وجل dit dans Sourate al-Kawthar, et prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. Et il dit aussi dans Sourate al-An'am, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, dit ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour le Seigneur des mondes. Et un nusuk ici dans ce verset, cela signifie l'égorgement, comme l'a dit Saïd ibn Jubayr. Et dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas raconte, أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. Anas rapporte, comme cela est cité dans les deux sahih, que sont les sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim, Anas raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié le jour de l'Aïd deux béliers, amlahayni, c'est-à-dire deux béliers blancs avec des taches noires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a sacrifiés de sa main, il a prononcé le nom d'Allah. Il a dit Allahu Akbar et il a posé son pied sur le côté de leur cou, sur le côté du cou de chacun de ces béliers. Et l'on verra par la suite que la sunna, lorsque l'on égorge un mouton ou un bélier, c'est de poser son pied au niveau de son cou pour que son cou soit maintenu fermement afin que l'égorgement puisse se faire de la façon la plus rapide et la plus simple possible. Mais bab al-fa'ida, pourquoi est-ce que c'est appelé al-udhiya? Parce que, comme on l'a dit, c'est une bête qui est sacrifiée le jour de l'Eid, mais la sunna est d'égorger fi waqt al-duha, au moment où, après que le soleil se soit levé. Car la sunna est d'accomplir la prière de l'Eid une fois le soleil levé. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 10 ans à Médine, 10 années dans lesquelles il a sacrifié le jour de l'Eid. Et dans le hadith de Bara ibn Azib, rapporté par Al-Bukhari et Muslim également, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. Que celui qui sacrifie après la prière, il a alors complété son sacrifice et il a suivi la voie des musulmans. Tous ces textes, le cheikh les cite pour montrer que Al-Udhiya fait partie des emblèmes de l'islam et il apporte à cela les preuves dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ajoutez à cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc sacrifié le jour de l'Eid. Ses compagnons également ont sacrifié et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que celui qui sacrifie le jour de l'Eid a suivi la voie des musulmans. Et les musulmans sont unanimes sur le fait que cette udhiya, que cette bête sacrifiée le jour de l'Eid est légiférée. Concernant le jugement de l'udhiya, les savants ont divergé. Est-ce que cette bête à sacrifier, est-ce qu'il est obligatoire de la sacrifier ou est-ce que cela est une sunna fortement recommandée? La majorité des savants considèrent que Al-Udhiya est fortement recommandée et c'est l'avis de l'imam Al-Shafi'i, l'imam Malik et l'imam Ahmad, rahimahumullah. Et d'autres savants sont d'avis que cette Udhiya est obligatoire. C'est notamment l'avis de l'imam Abu Hanifa et c'est l'une des versions rapportées de l'imam Ahmad et c'est notamment l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyata rahimahullahu ta'ala et chacun des deux avis a ses preuves qui sont fortes. Il faut savoir également que de sacrifier al-udhiya est meilleur que de donner son équivalent en argent. Car de sacrifier la bête est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'ont fait avec lui les musulmans. Également, de sacrifier la bête est meilleur, car comme l'on l'a vu, sacrifier al-udhiya fait partie des emblèmes d'Allah. Et si les gens s'étaient tous mis à donner en aumône la valeur de cette bête en argent, eh bien cet emblème disparaîtrait au fur et à mesure. Et si de donner en aumône l'équivalent de cette bête était meilleur, nul doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait enseigné à sa communauté, soit par un acte, soit par une parole. Quelles sont les conditions de l'Udhiyah? Il y a 6 conditions qui doivent être réunies pour que l'Udhiyah soit valide et conforme à ce qui est attendu de nous. La première de ces conditions, أن تكون من بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها. La première condition est que cette bête sacrifiée doit faire partie de بهيمة الأنعام. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Et بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ signifie, ou sont inclus dans بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ, les chameaux, les chamelles bien sûr, les vaches et les bœufs, et الْغَنَمِ. Et lorsque l'on dit Al-Ghanam, cela inclut 2 types de bêtes. Al-Ghanam inclut les caprins et les ovins. Les caprins, ce sont les chèvres, et les ovins, ce sont les moutons, les brebis, les agneaux et la femelle d'agneau, agnelles, et les agnelles. Et c'est ce qui est connu chez les Arabes, comme l'ont dit les savants. C'est la première condition. Ash-shartu thani. La deuxième condition, an tablugha sinn al-mahdoud shar'a. Que cette bête doit atteindre un âge qui est défini en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. Ne sacrifiez qu'une musinna, et l'on verra ce qu'est la musinna. Sauf si cela est difficile pour vous, alors sacrifiez al-jadha parmi les ovins. On a dit que les ovins, ce sont les moutons, les brebis, les agneaux et les agnelles. Pourquoi est-ce que j'insiste en disant à chaque fois le mâle et la femelle? Car pour l'udhiyah, tu as le droit de sacrifier un mâle comme une femelle. Beaucoup se posent la question, est-ce qu'il est autorisé de sacrifier une femelle? Cela est totalement autorisé. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ne sacrifiez qu'une musinna. » Qu'est-ce que al-musinna? Al-musinna, parmi les chameaux, ce sont ceux qui ont atteint l'âge de 5 ans. Parmi les vaches et les bœufs, ceux qui ont complété 2 ans. Et al-thani min al-ghanam, on a dit que le ranam, c'est les ovins et les caprins. Et parmi le ranam, il faut qu'ils atteignent un an. Il faut qu'ils atteignent un an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sauf si cela est difficile pour vous, alors, dans ce cas, sacrifiez al-jadha'ah min al-da'n. Et al-jadha'ah, c'est la bête qui a plus de 6 mois. Donc, min al-da'n. Et ici, le professeur Hassan a bien précisé al-da'n, qui sont les ovins. Donc, le minimum pour les ovins, c'est 6 mois. Le minimum pour les caprins, c'est 1 an. Le minimum pour la vache et les bœufs, c'est 2 ans. Et le minimum pour le chameau et la chamelle, c'est 5 ans. الشرط الثالث, la troisième condition, أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة. La troisième condition, la première condition, elle doit faire partie de Bahimatu al-An'am. La deuxième condition, cette bête doit atteindre l'âge prescrit et défini en islam. La troisième condition est que cette bête doit être exempte de défauts qui, lorsqu'ils sont présents, ne font pas de cette bête une udhiya. Le premier de ces défauts, al-awar al-bayyin, le fait que cette bête soit borgne de façon évidente. Et la bête de façon évidente, c'est la bête dont l'œil s'est obscurci, où l'œil ressort ressemblant à un bouton, ou lorsque l'œil devient complètement blanc, qui prouve que cette bête est borgne. الشرط الثاني أو العيب الثاني الذي لابد أن تكون الأضحية خالية منه المرض البين. Le deuxième défaut dont la bête doit être exempte, c'est la maladie manifeste, évidente. Et c'est donc la maladie qui est apparente de cette bête. Comme le fait qu'elle soit prise de fièvre, qui l'empêche de se rendre au pâturage et qui coupe son appétit. De même, une bête qui a la gale, évident, et ceci a une conséquence non négligeable sur sa viande et sur sa santé. De même que les blessures profondes font partie des défauts qui peuvent exclure cette bête de la catégorie des bêtes acceptées pour al-udhiya. الشرط الثالث العرج البين. Le troisième défaut dont doit être exempte cette bête, c'est le fait qu'elle boite de façon évidente. Et ceci concerne la bête qui boite de telle sorte qu'elle ne peut marcher et qu'elle ne peut suivre les autres bêtes qui sont saines. Wa al-amr al-rabi' al-huzal al-muzil lil-mukh. Le quatrième défaut dont doit être exempte la bête, c'est le fait qu'elle soit maigre et faible. Maigre à tel point que ses os n'ont plus de moelle. Et la preuve de cela, de ces quatre défauts dont doit être exempte la bête, est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné quelles sont les bêtes ou les dhahaya dont l'on doit s'abstenir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Arba'an, quatre, al-arja'u al-bayinu dhal'uha, wal-awra'u al-bayinu awaruha, والمريضة البين مرضها والعشفاء التي لا تنقي. Professeur Asselam a répondu: celle qui boite de façon évidente, celle qui est borgne de façon claire, celle qui est malade, dont la maladie est évidente, et la maigre, la faible, qui n'a plus de moelle dans les os. Et dans le hadith de l'Bara ibn Azib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Arba'un la tajouzu fil adahi ». Quatre types de bêtes, il est interdit de les sacrifier pour al-udhiyah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de citer ces quatre défauts. Et Al-Sheikh ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit que l'on ajoute à ces défauts les défauts qui sont similaires ou plus graves. Les défauts qui sont similaires ou plus graves. Et il cite, rahimahullahu ta'ala, six défauts supplémentaires. Le premier de ces défauts est que cette bête soit aveugle. Car être aveugle est pire que que d'être borgne. Al-mabshouma hatta taflut wa yazulu anha al-khatar. Al-mabshouma. Qu'est-ce qui sait ce que c'est qu'al-mabshouma? Al-mabshouma, c'est la bête dont le ventre a gonflé. En général, lorsque les bêtes, les ovins ou autres mangent notamment des dattes, eh bien, leur ventre gonfle et l'air ne peut sortir. Et ceci est dangereux pour la bête. Cela peut même la tuer. Et Cheikh rahimahullah dit hatta taslut, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle aille au sel. Jusqu'à ce que cette bête aille au sel et que le danger s'écarte d'elle. Al-mutawallidatu, celle qui porte, lorsque le fait de mettre bas est difficile pour elle, jusqu'à ce que le danger soit en soi écarté. La quatrième est celle qui a été atteinte de ce qui peut la tuer, comme le fait d'être étouffée, ou comme le fait de tomber d'un endroit élevé ou autre, jusqu'à ce que le danger soit écarté de cette bête. Cinquièmement, celle qui ne peut marcher. Et sixièmement, le cher de dire, celle dont l'une des mains ou l'un des pieds est coupé. Et en arabe, lorsque l'on parle des animaux, on parle des mains et des pieds. En français, on dit les pattes avant, les pattes arrière. En arabe, on est plus précis. On qualifie, on attribue aux animaux des mains et des pieds. Les mains sont les deux membres avant et les pieds sont les deux membres arrière. Ainsi, lorsque l'on ajoute les quatre défauts cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les six cités qui sont soit au même niveau, soit pire que ceux qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, cela amène à un nombre de 10. Al-shart al-rabi', quatrième condition. Cette bête doit être le bien de celui qui sacrifie. Elle doit être sa propriété. Elle doit lui appartenir. Ou bien qu'il lui a été autorisé de la sacrifier. Ainsi, la udhiya n'est pas valide si la personne sacrifie une bête qui ne lui appartient pas. Soit une bête qu'il a usurpée, c'est-à-dire qu'il a pris sans qu'il n'en ait le droit, ou bien une bête qui l'a volée, tout simplement, ou une bête qu'il a pris, et ceci après en avoir fait une demande qui est illégitime et infondée. Pourquoi ? Car le cheikh dit, car il est interdit de se rapprocher d'Allah à travers une désobéissance. الشرط الخامس أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون. La cinquième condition est que cette bête ne doit pas, ou la possession de cette bête ne doit pas être suspendue à une tierce personne. Et l'exemple que donne le cheikh, qu'il est interdit de sacrifier une bête pour al-udhiya, une bête qui t'a été donnée en guise de caution. Tu as prêté de l'argent, par exemple, à quelqu'un, et en guise de caution, il te donne un bélier. Tu n'as pas le droit de sacrifier ce bélier, car ce bélier, la possession de ce bélier est suspendue à son propriétaire. Et ce ne sera ta propriété que lorsque cette personne ne t'aura pas remboursé de façon définitive. Et c'est tout le sens de la caution. الشرط السادس, la sixième condition est que cette bête doit être sacrifiée pendant le moment légiféré en islam. Et ce moment commence après la prière de l'Aïd, le jour de l'Aïd, jusqu'au coucher du soleil des derniers jours, du dernier jour des jours de Tashriq. Les jours de Tashriq qui sont au nombre de trois. Trois jours après le Eid. Donc il y a le jour de l'Eid qui est le dixième jour de Dhul-Hijjah et Ayam al-Tashriq. Les trois jours de al-Tashriq sont le 11, le 12e et le 13e jour de Dhul-Hijjah. Celui qui égorge avant que la prière ne se termine ou après le coucher du soleil du 13e jour, alors son udhiyah, sa udhiyah n'est pas valide. La preuve et le hadith de Al-Bara ibn Azib, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Man dhabaha qabla as-salah fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlih wa laysa min an-nusuk fi shay. » Il dit sallallahu alayhi wa sallam, « Celui qui égorge avant la prière, il n'a fait que présenter de la viande à sa famille, et ce n'est en aucun cas un sacrifice, c'est-à-dire de l'Eid. » Et selon Jundub ibn Sufyan al-Bajali rahimahullah radiyallahu anhu, il dit shahadtu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man dhabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra. Et le hadith est rapporté par al-Bukhari par al-Bukhari et Muslim afwan. Dans le hadith de Jundub al-Bajali radiyallahu anhu, il dit j'ai assisté lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui égorge avant la prière, qu'il égorge une autre bête à la place. » Qu'il égorge une autre bête à la place. « Wa an Nubayshah al-Hudhali radiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam « Ayyam al-Tashriq, ayyam aklin wa shurbin wa dhikrin lillahi azza wa jal » Et la preuve que Ayyam al-Tashriq sont des jours de sacrifice est le hadith de Nubayshah al-Hudhali radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les jours de Tashriq sont des jours de nourriture, de boisson et d'évocation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit, mais si le retard est dû à une excuse, comme celui dont la bête s'est sauvée sans que cela ne résulte d'une erreur de sa part. Et il ne retrouve sa bête qu'après le coucher du soleil du 13e jour. Dans ce cas, il n'y a pas de mal à la sacrifier et cela sera considéré comme une udhiyah et le cheikh de bien citer à condition que cette bête ne se soit pas sauvée suite à une erreur de son propriétaire. Ou bien, lorsque tu lègues quelqu'un ou lorsque tu mandates quelqu'un pour sacrifier une bête pour toi et que cette personne oublie totalement de sacrifier cette bête, alors il n'y a pas de mal à la sacrifier même après le temps qui a été alloué. Et le cheikh dit ceci en analogie avec celui qui dort pendant l'heure d'une prière ou qui oublie cette prière, il se doit alors de l'accomplir au moment où il se réveille ou au moment où il s'en rappelle. Et il est autorisé de sacrifier la bête pendant tout ce laps de temps, que ce soit la nuit comme le jour. Et de sacrifier le jour est meilleur. Et le mieux est le jour de l'Eid après la prière, après les deux khutbah. Le jour de l'Eid après les deux khutbah. Car les deux khutbah viennent après la prière. Et chaque jour est meilleur que le suivant. Chaque jour est meilleur que le suivant. C'est-à-dire de sacrifier le 11e est meilleur que de sacrifier le 12e. De sacrifier le 12e est meilleur que de sacrifier le 13e jour. Pourquoi ? Car celui qui a plus tôt la personne aura sacrifié et plus tôt elle se sera empressée à accomplir une adoration qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh ouvre le chapitre des catégories des bêtes qui sont les meilleures pour l'udhiya. الأفضل من الأضاحي جنسا الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة. Le meilleur type de bête à sacrifier sont tout d'abord le chameau, puis la vache lorsqu'ils sont sacrifiés entièrement. Une personne qui sacrifie pour lui seul un chameau, c'est ce qu'il y a de meilleur. Puis vient dans le degré préférable de sacrifier une vache ou un bœuf, tout seul. Puis vient le degré suivant de sacrifier l'ovin, un ovin, un bélier, une brebis, un agneau, une agnelle, puis la chèvre, puis le septième d'un chameau, puis le septième d'une vache. Ceci concerne le type de bête. Maintenant, lorsque l'on prend une bête, quelles sont les caractéristiques qui doivent être réunies ou qui font de cette bête comme étant celle qui a réuni les meilleures caractéristiques. Al-Sheikh rahimahullah dit: "Wa al-afdal minha sifatan al-asman al-akthar lahma al-akmal khilqatan al-ahsan manzara." Et concernant la caractéristique de cette bête, le mieux est qu'elle soit grasse et qu'elle ait beaucoup de viande. Qu'elle soit bien formée et qu'elle soit belle à voir. La preuve est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que l'on a vu tout à l'heure, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين والكبش العظيم من الضأن والأملح ما خالط بياضه سواد فهو أبيض في سواد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. أنس رضي الله عنه dit que le prophète صلى الله عليه وسلم sacrifiait deux béliers qui avaient des cornes et qui étaient blancs avec des taches noires. Et le bélier et sans aucun doute, parmi les ovins, celui qui est le meilleur, car il est plus grand et la viande est meilleure. Et l'amlah, c'est celui qui est blanc avec des taches noires. Et dans le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié un bélier avec des cornes, un bélier reproducteur. Il mangeait dans du noir, il regardait dans du noir et il marchait dans du noir. Et les savants ont expliqué, il mangeait dans du noir, c'est-à-dire que le contour de sa bouche était noir. Il regardait dans le noir, les contours de ses yeux étaient noirs et il marchait dans du noir, c'est-à-dire que le contour de ses pattes était noir et le reste de son corps était blanc. Et dans le hadith de Abu Rafi', le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha dhahha ishtara kabshayn saminayn. Abu Rafi', Le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait faire al-udhiyah, il achetait deux béliers bien portants, deux béliers gras. Et le hadith est authentifié par Cheikh al-Albani, rahimahullah. Al-Samin, kathiru al-shahmi wal-lahm. Al-Samin en arabe, c'est la bête qui a de la graisse et de la viande. Et dans une version de l'imam Ahmed, Dhaha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha dhaha ashtara kabshayn saminayn mawjouayn. Et dans la version de l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié deux béliers castrés. Deux béliers castrés. Et le bélier castré est meilleur que le bélier reproducteur au niveau de sa viande. La viande du bélier castré est plus tendre et meilleure que celle du bélier reproducteur. Et quant au bélier reproducteur, il est souvent mieux formé et plus beau que le bélier castré. Ceci concerne ce qu'il y a de mieux à sacrifier comme bête, tant en termes de type de bête que de caractéristiques que doivent ou qu'il est recommandé que ces bêtes ou dont ces bêtes doivent être dotées. Puis le cheikh cite les caractéristiques dont il est détestable. Qu'il est détestable que la bête ait. On a vu tout à l'heure les défauts qui font que lorsqu'ils sont présents, cette bête ne peut être sacrifiée et ne peut être considérée comme une udhiya. Et le cheikh va citer maintenant les défauts dont il est mieux de s'éloigner et ceux qui, lorsqu'elles sont dans une bête, eh bien, il est détestable et non pas interdit de la sacrifier comme une udhiya. Le premier type de défaut cité par le cheikh rahimahullah, al-adba. Al-adba, c'est celle dont la queue ou la corne a été coupée de plus que la moitié. Al-muqabala. Deuxième type de bête avec des défauts qui sont détestables, al-muqabala. C'est celle qui a l'oreille fendue sur la largeur, et ceci au niveau de l'avant de l'oreille. Al-mudabara, c'est celle qui a l'oreille fendue en largeur au niveau de l'arrière de l'oreille. Al-sharqa, c'est celle qui a l'oreille fendue en longueur. Et al-kharqa, c'est celle qui a l'oreille trouée ou perforée. La sixième, al-musfara, c'est celle dont l'oreille est coupée et qui laisse apparaître le tympan. Et il a été dit également que al-musfara, c'est la bête maigre, mais qui a tout de même de la moelle dans les os. Car on a vu que al-ashfa allati la tanqi, la bête maigre qui est maigre et faible à tel point qu'il n'y a plus de moelle dans ses os, que cela fait partie des défauts qui excluent cette bête du sacrifice. Pour al-Eid, on dit bien pour al-Eid, car si tu égorges cette bête pour autre que pour al-Eid, si tu l'égorges pour autre que pour al-Udhiyah ou pour al-Hadi, eh bien cela est autorisé bien sûr. Le septième défaut détestable dans une bête, al-musta'salah, c'est celle qui n'a plus de cornes. Le huitième défaut qui est détestable, al-bahqa, c'est celle dont l'œil ne voit plus, mais reste intacte. Elle ne voit plus, mais l'œil est intact. Est-ce qu'elle est considérée comme une borgne? Oui ou non? Oui. Elle est borgne. Mais le professeur Assalam a dit Al-Awra al-Bayinu Awaruha. La borgne dont le fait qu'elle soit borgne est évident. Cela est évident. C'est-à-dire, ça se voit clairement. Et on a vu les détails qu'a donné le Shir, soit parce que son œil est obscur, ou soit parce qu'il ressort ressemblant à un bouton, ou soit parce qu'il est blanc entièrement. Mais si son œil est intact, mais qu'elle ne voit pas avec celui-ci, elle est effectivement borgne, mais sa borgnité, si on peut dire comme ça, n'est pas évidente. Al-Mushayya'a, c'est celle qui ne peut suivre le reste du troupeau, qui peut suivre le reste du troupeau, mais se met toujours derrière. Elle ne peut pas le suivre le reste du troupeau à la même allure que le troupeau, mais elle reste derrière. Celle-ci également, il est déconseillé de l'utiliser comme une udhiya. Et le cheikh dit qu'il y a d'autres choses qui peuvent être ajoutées à cela, parmi les caractéristiques détestables qui sont présentes dans une bête. Il dit, rahimahullah, al-batra min al-ibli wal-baqri wal-ma'as. C'est celle dont la moitié de la queue a été coupée, voire plus, parmi le chameau, la vache et al-ma'as et la chèvre. Pourquoi? Car les savants disent que la queue pour le chameau, la vache et la chèvre n'est pas un élément essentiel. N'est pas un élément essentiel. Pour cela qu'il cite ensuite « ma quti'a min al-yi'atihi » et concernant « al-al-yah » « al-al-yah » qui concerne dans la majorité du cas, si ce n'est tout le temps, les ovins. Les ovins, donc les moutons, les béliers, etc., certains ont une queue, d'autres n'ont pas de queue. Mais ils ont, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Une excroissance de graisse. Et les savants disent que cette excroissance de graisse, qui se trouve sur le derrière de l'ovin a un bénéfice. Et lorsque la moitié, si plus de la moitié est coupée de ce type d'excroissance, eh bien, selon la majorité des savants, cette bête n'est pas considérée comme une udhiya. Et si la moitié et moins a été coupée, moins de la moitié a été coupée, alors cela reste détestable, mais non interdit pour une udhiya. Également fait partie des caractéristiques détestables la bête dont les dents ou dont certaines dents sont tombées. Et si cette bête n'a pas de dents dès la naissance, cela n'est pas détestable. Également, il dit, rahimahullah, ma quti'a shay'un min halamati thadiha. La bête dont le bout des mamelons ont été coupés. Également, il est détestable de la prendre comme une udhiya, sauf si elle a été créée comme ça, sauf si cette bête est née avec ce défaut. Ceci concerne les caractéristiques détestables que Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin a cité, rahimahullah ta'ala. Puis le Cheikh d'ouvrir le chapitre « Pour qui vaut al-Udhiyah » Al-Udhiyah, parmi el ghanam, et on a dit que le ghanam c'est les ovins et les caprins, valent pour un homme et sa famille et celui qu'il désire parmi les musulmans. Et la preuve est le hadith de Aïcha radiallahu anha, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, amara bi kabshin aqran, yata'u fi sawad, wa yabruku fi sawad, wa yanzuru fi sawad. فأتى به ليضحي به فقال لها يا عائشة يا عائشة هل أمي المدية أي أعطيني السكين ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه أي أخذ يستعد لذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به رواه مسلم. La preuve est le hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on lui apporte un bélier avec des cornes qui marche sur du noir, s'assied sur du noir et regarde dans du noir. Et on a apporté ce bélier au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il le sacrifie. Et il a dit à Aïcha radiallahu anha, ô Aïcha, donne-moi le couteau. Elle s'est exécutée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le couteau, il a pris le bélier, il l'a couché, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'apprêtait à l'égorger, a dit par le nom d'Allah, Bismillah, ô Allah, accepte de Muhammad, de la famille de Muhammad et de la communauté de Muhammad. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié ce bélier. Et dans le hadith de Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. Et dans le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, il dit qu'un homme, que l'homme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam sacrifiait une brebis pour lui et pour la famille, an ahli baytihi, la famille résidant dans son foyer, fayakuluna wa yut'imun. Il mangeait de cette viande et donnait à manger. Donc, celui qui sacrifie un ovin ou un caprin, cela lui suffit pour lui et pour sa famille. Et tous ceux pour qui il a eu l'intention, parmi les membres de sa famille, qu'ils soient vivants ou morts. S'il n'a rien eu d'intention, s'il n'a pas eu d'intention particulière, alors cette intention entre dans les gens de sa famille tout ce que peut englober ce terme, que ce soit à travers ce qui est connu chez les gens ou que ce soit à travers la langue arabe. Et dans ce qui est connu chez les gens, ce sont toutes les personnes qui sont sous sa responsabilité comme épouse, enfant et proche. Et en arabe, Ahlul Bayt, ce sont tous les proches parmi sa descendance, la descendance de son père, la descendance de son grand-père et la descendance de son arrière-grand-père. Le septième d'un chameau ou d'une vache valent pour ou sont équivalents à un ranem, à un ovin ou un caprin. Si un homme participe au sacrifice d'un septième de chameau ou de vache, cela lui suffira pour lui et pour les membres de sa famille. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré que le septième d'un chameau ou d'une vache a la même valeur qu'une brebis. Et ceci dans le hadith. Et le hadith, c'est la bête qui est sacrifiée pour le par qui par le pèlerin, qu'il soit non, il est le pèlerin qui sont en quel type de rite? Al-mutamatti' wal-qarin. Al-mutamatti' wal-qarin, car al-mufrid, lui, ne sacrifie pas de bête. Et le cheikh dit, et cela est donc similaire et équivalent pour al-udhiyah, car il n'y a pas de différence entre al-udhiyah, le sacrifice de l'Eid, et al-hadi, le sacrifice du pèlerin, dans ce point. Donc, un ovin ou un caprin ne suffit pas pour deux personnes ou plus qui l'achèteraient et qui sacrifieraient cette bête. Car cela n'a pas été rapporté ni dans le livre d'Allah ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que de se rassembler à huit pour sacrifier un chameau ou une vache, cela n'est pas valable, car ces adorations sont bien précises et il est interdit de les outrepasser, que ce soit en termes qualitatifs qu'en termes quantitatifs. Puis le cheikh parle du sujet, à savoir ce que l'on mange de notre udhiya et ce que l'on distribue. Il est légiféré pour celui qui a sacrifié sa udhiya de manger de sa udhiya, d'en donner et de donner en aumône. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ » Mangez-en vous-même et faites-en manger le besogneux misérable. Et dans le hadith de Salam ibn al-Akwa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا » رواه البخاري. Il dit sallallahu alayhi wa sallam « Mangez et nourrissez et conservez. » Et la parole du prophète Hassan, al-it'am, inclut, donc nourrissez, inclut, cela peut être un cadeau que tu fais à un riche ou une aumône que tu fais à un pauvre. Et les savants ont divergé sur la quantité que l'on doit manger, que l'on doit offrir et que l'on doit donner en aumône. Et le cheikh dit « وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاسِعْ » Et dans cela, la porte est large. Et ce qui est choisi, ou la vie choisie, est de manger le tiers, d'offrir le tiers, et de donner en aumône le tiers. Et ce qui est autorisé de manger, il est autorisé de le conserver, à condition bien sûr que la conservation longue ne porte pas atteinte à cette viande et la rend plus tard non propre à la consommation. Exception faite, sauf si le pays est touché par une famine. Dans ce cas, il est interdit de garder et de conserver cette viande plus de 3 jours. La preuve est le hadith de Salam ibn al-Akwa radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي فقال صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها متفق عليه. Dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le hadith de Salam ibn al-Akwa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui sacrifie c'est-à-dire pour l'Eid, qu'il ne reste pas, qu'il ne passe pas trois matins sans qu'il n'y ait des restes de cette udhiya. Et l'année suivante, ils ont dit, oh, envoyé d'Allah, devons-nous faire cette année comme nous avons fait l'année dernière? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mangez, nourrissez et conservez, car cette année-là, les gens étaient touchés par une famine. Et j'ai voulu que vous aidiez à travers cela. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il n'y a aucune différence dans l'autorisation de manger, d'offrir la viande, que la bête que tu sacrifies soit une bête obligatoire ou qu'elle soit une bête surérogatoire. Que tu le fasses pour un vivant ou pour un mort. Même si tu le fais en application d'un testament. Si dans le testament d'une personne qui est décédée, il a écrit dans son testament qu'un tel prend de mon argent et sacrifie une bête. Eh bien, les savants disent, al-wasi yaqum maqam al-musi, que celui à qui on a demandé de mettre en application ce testament a la même place que celui qui l'a testé, que celui qui a fait le testament. Il lui est donc autorisé à lui de manger, d'offrir et de donner en aumône de cette bête. Quant à celui qui est mandaté, al-wakil, si celui qui te mandate t'autorise de manger, d'offrir et de donner en aumône, alors cela est autorisé. Sinon, tu te dois de restituer cette bête à celui qui t'a mandaté. Et il est interdit de vendre quoi que ce soit de l'udhiya, ni la viande, ni toute autre partie de cette bête, même la peau. Et celui à qui on a offert une partie de cette viande, celui à qui on a offert une partie d'une udhiya, lui, il lui est autorisé de faire ce qu'il veut de cette viande que l'on lui a offert, et le cheikh de dire à condition qu'il ne vende pas cette viande à celui qui lui a offert. Que doit faire? Quelles sont les choses dont doit s'abstenir celui qui sacrifie à l'udhiya? Lorsqu'une personne veut sacrifier à l'udhiya et qu'entre le mois de Dhul-Hijja, soit par la vision du premier croissant de lune, ou soit lorsque le mois de Dhul-Qi'da a complété les 30 jours, alors il est interdit à une personne qui souhaite sacrifier à l'udhiya de prendre quelconque cheveu de son corps, de couper quelconque ongle ou d'arracher quelconque peau, et ceci jusqu'à ce qu'il sacrifie sa bête. Et pour information, le premier jour de Dhul-Hijja est demain. Nous sommes déjà dans la première nuit du mois sacré de Dhul-Hijja, comme cela a été annoncé par la Cour suprême d'Arabie Saoudite. Donc, le dimanche 6 octobre 2013 est, inshallah ta'ala, le premier jour du mois de Dhul-Hijja, et ce samedi soir est la première nuit de Dhul-Hijja. La preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Umm Salama, rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, إذا رأيتم هلال ذي الحجة وفي لفظ إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. Lorsque vous voyez le croissant de lune de Dhul-Hijja, et dans une version lorsqu'entre les 10, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul-Hijja, et que l'un d'entre vous veut sacrifier, alors qu'ils s'abstiennent de couper quelconque poil ou ongle. Et dans une version, فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي وفي لفظ فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. Dans la première version, le professeur Asselam cite clairement les poils et les ongles. Et ici, les poils, les savants disent, ce sont tous les poils du corps. Que ce soit les poils de la moustache, que ce soit les cheveux, que ce soit la barbe. Bien sûr, la barbe, vous connaissez tous le jugement de raser la barbe, ceci est interdit. Et de tailler la barbe, ceci est également interdit. Sauf si la personne taille sa barbe au-dessus ou les poils qui dépassent d'une poignée. Al-qabda. Quelle est la preuve de la peau? Qu'il est interdit d'arracher également de la peau. Et une des versions du hadith, فَلَا يَمَسْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا, et qu'il ne coupe de ses poils ou de sa peau quoi, rien du tout. Et al-bashara, les savants disent kadhifri wal-jild. Et celui qui a l'intention de sacrifier durant les 10 premiers jours, c'est-à-dire que il n'a eu la volonté de sacrifier une udhiya que par exemple le 5e jour de Dhul-Hijjah, eh bien, il doit s'abstenir de faire ses interdits à partir du moment où il a eu cette intention, et ce qu'il a pu faire auparavant ne lui sera pas pris en compte. Et la sagesse de cette interdiction est que celui qui fait al-udhiyah, parce qu'il a participé quelque part à ce que fait en partie le pèlerin, parmi les actes du pèlerinage, il y a le fait de sacrifier al-hadi. Et celui qui fait al-udhiyah participe quelque part à un des rites que fait le pèlerin, à savoir sacrifier une bête. Et donc, il participe également avec lui dans certaines interdictions, dans certaines particularités de l'état de l'ihram. Et ces quelques particularités sont le fait que le pèlerin en état de sacralisation n'a pas le droit lui aussi d'arracher des poils de son corps ni de couper ses ongles, et bien d'autres interdictions qui sont effectives pour le pèlerin en état de sacralisation. Et ce jugement, c'est-à-dire l'interdiction de couper des poils du corps, les ongles ou d'arracher de la peau, ceci est un jugement qui concerne celui qui sacrifie et non celui pour qui l'on sacrifie. Et ici, lorsque l'on dit celui pour qui l'on sacrifie, c'est-à-dire les membres de la famille de celui qui sacrifie. Car on a dit que la bête sacrifiée vaut pour l'homme qui sacrifie, mais pour les membres de sa famille. Et cette interdiction ou ces interdictions concernent celui qui sacrifie. Que tu sacrifies toi-même ou que tu fasses sacrifier par quelqu'un d'autre. Au final, c'est toi qui a fait la udhiya, même si tu ne l'as pas égorgé, mais c'est toi qui a acheté cette udhiya. Cette udhiya t'appartient, d'accord? Donc, tu es considéré comme avoir fait le sacrifice. Ainsi, que tu égorges toi-même ou que quelqu'un d'autre égorge pour toi, il t'est interdit pendant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah jusqu'à ce que la bête soit sacrifiée de faire les interdits précédemment cités. Et le cheikh dit, et celui qui a l'intention de faire al-udhiyah et coupe une partie de ses poils, de ses ongles ou de sa peau, il doit faire le repentir à Allah. Et il ne doit plus recommencer. Et il n'y a pas d'expiation à faire. Et cela ne l'empêche pas de faire sa udhiyah comme le pense la masse des musulmans. Et si il fait un de ces interdits par oubli ou par ignorance, ou si un poil tombe sans que cela n'était volontaire, il n'y a point de mal à cela. Et si il a besoin de couper un poil ou de couper un ongle cassé, par exemple, qui lui fait mal et qui le dérange, eh bien, il n'y a pas de mal à cela. Puis le cheikh cite les règles qui régissent l'égorgement. Donc là, le cheikh a terminé de parler sur Al-Udhiyah et il parle maintenant de l'égorgement. Et ici, l'égorgement, c'est l'égorgement de façon générale. Et l'égorgement en arabe est appelé al-zakat. Al-zakat. Al-zakat, le cheikh a défini en disant « fi'lu ma yahillu bihi al-hayawan alladhi la yahillu illa biha min nahrin aw dhabhin aw jurhin ». Al-zakat, c'est ce qui rend licite un animal qui ne peut être licite qu'à travers cela. Soit par un nahr, ou bien un zabh, ou bien un jarh. Un nahr, c'est le fait de... On va expliquer les différences entre un zabh et un nahr. Un zabh, c'est l'égorgement. Un nahr, c'est un égorgement, mais particulier. Et un jarh, c'est le fait de blesser. فالنحر للإبل والذبح لغيرها والجرح لما لا يقدر عليه إلا به. النحر concerne le chameau. الذبح, l'égorgement, concerne autre que le chameau. Et الجرح, la blessure, concerne celui, la bête qu'on ne peut tuer qu'en blessant. La bête qu'on ne peut tuer qu'en blessant. Et la différence entre al-zabh et al-nahr, il y en a plusieurs, et cela, je les cite moi, le cheikh rahimahullah ne les a pas cités dans ce livre-là, même s'il les a cités dans bien d'autres endroits. Premièrement, parmi les différences entre al-zabh et al-nahr, c'est que, comme l'a dit le cheikh, le zabh concerne les vaches et al-ghanam, les vaches, les ovins et les caprins. Et les autres animaux, comme il le dit le cheikh, en dehors du chameau. Deuxièmement, le nahr a lieu dans le bas du cou, juste après la poitrine. Quand vous voyez ceux qui tuent les chameaux, les musulmans qui tuent les chameaux, il plante le couteau dans le bas du cou, et le cou du chameau est extrêmement long. Et l'on coupe la partie inférieure du cou, celle qui est juste après la poitrine. Quant à zebh, quant à l'égorgement, il a lieu dans la partie supérieure du cou, juste après la tête. C'est l'une des différences entre un zebh et un nahr. Un nahr, concernant le chameau est debout et l'on attache sa main gauche. Et la main gauche du chameau, c'est la patte avant gauche. Elle est attachée, c'est-à-dire qu'elle se plie comme cela et on l'attache. Ainsi, le chameau reste debout sur trois pattes uniquement. Puis, le nahr est fait. Quant au zabh, on couche la bête sur le côté gauche. Et l'on verra que le cheikh dit, la sunna c'est de coucher la bête sur le côté gauche. De mettre son pied sur son cou et de l'égorger. Sauf pour celui qui est gaucher. Dans ce cas, il couche la bête sur son côté droit, car c'est la meilleure position pour que le sacrifice se fasse dans les meilleures conditions. Il y a d'autres différences, mais celles-ci sont les plus connues. Et le Cher cite 9 conditions pour que le sacrifice, al-Zakah, soit valide. La première de ces conditions, que celui qui tue doit être doué de raison. Il est interdit, ou le sacrifice d'un majnoun, de celui qui a perdu sa raison, ou de celui qui est en état d'ébriété, ou du petit qui n'a pas encore sa raison, ou du grand, ou de la personne âgée qui ne sait plus distinguer, eh bien, leur sacrifice n'est pas autorisé. La deuxième condition, que celui qui sacrifie doit être un musulman, ou alors il doit faire partie des gens du livre. Et les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens. Quant aux musulmans, il lui est autorisé de sacrifier, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, qu'il soit juste ou qu'il soit pervers, qu'il soit en état de pureté ou en état d'impureté. Quant au kitabi, c'est-à-dire aux juifs ou aux chrétiens, la bête qu'il sacrifie, qu'il égorge, est licite que ses parents fassent partie des gens du livre ou non. Et les musulmans sont unanimes sur le fait qu'il est licite de manger la viande de la bête égorgée par un kitabi, par un juif ou un chrétien. Car Allah Azza wa Jalla dit: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. Et la nourriture de ceux des gens du livre est licite pour vous. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé d'une brebis qui lui a été offerte par une femme juive. Quant au reste des non-musulmans qui ne font pas partie des gens du livre, il est interdit de manger ce qu'ils sacrifient. Car Allah Azza wa Jalla a dit: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ, et la nourriture des gens du livre. L'imam Ahmad rahimahullah a dit: et je ne connais personne qui dit le contraire de cela, si ce n'est une personne de l'innovation. Et le Cheikh dit: et il n'est pas obligé de demander sur ce qui a été sacrifié par un musulman ou par une personne des gens du livre, comment il a égorgé. Et est-ce qu'il a prononcé le nom d'Allah ou non? Il dit, rahimahullah, il dit, Cheikh Al-Uthaymin, bel wala yanbari. Plus encore, cela n'est pas convenable de poser cette question. Car cela fait partie de l'exagération dans la religion. Et le prophète a mangé de ce qu'ont égorgé les juifs et ne leur a pas demandé. C'est-à-dire, le prophète ne leur a pas demandé comment est-ce qu'ils ont égorgé. وفي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا عليه أنتم وكلوه قالت وكنا حديث عهد بكفر فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكله دون أن يسألوا مع أن الآتين به قد تخفى عليهم أحكام الإسلام لكونهم حديث عهد بكفر. Il dit aussi, rahimahullah, et dans le Sahih de Bukhari et autres, selon Aïcha radiallahu anha, qu'un peuple, on dit, ô envoyé d'Allah, il y a un peuple qui nous apporte de la viande dont nous ne savons pas si le nom d'Allah a été prononcé ou non. Le prophète sallam a dit: prononcez-vous le nom d'Allah et mangez. Elle a dit à Aïcha, et il faisait partie, et il n'y a pas si longtemps qu'ils étaient dans la mécréance. Et le prophète sallam leur a ordonné de manger sans poser de questions, sachant que ceux qui étaient venus à lui, sallallahu alayhi wa sallam, étaient convertis récemment. Donc il était fort probable qu'ils ne connaissaient pas un certain nombre de jugements islamiques. La troisième condition, que le sacrifice soit voulu. Car le sacrifice nécessite une intention. Et celui qui n'a pas l'intention de tuer cette bête, avec l'intention de la tuer d'une façon légiférée qui la rendra licite, alors celle-ci n'est pas licite pour lui. Et le cheikh donne un exemple. Comme celui qui est attaqué par une bête et l'égorge pour se défendre uniquement. Il égorge cette bête, mais il ne l'égorge pas pour la rendre licite et la manger. Il l'égorge pour se défendre. Ash-shart ar-rabi', la quatrième condition. Alla yakuna adh-dhabhu li ghayrillah. Que le sacrifice ne doit pas être fait pour autre qu'Allah. Car s'il est fait pour autre qu'Allah, cette bête est illicite. Comme celui qui sacrifie une bête en guise de reconnaissance envers une statue, ou pour donner de l'importance à un défunt dans sa tombe, ou celui qui sacrifie une bête pour montrer l'importance d'un roi ou autre. La cinquième condition, la yusammi alayha ismu ghayrillah. Il ne doit pas prononcer un nom autre que le nom d'Allah. Comme celui qui dit par le nom du prophète, ou par le nom de Jibril, ou par le nom de telle ou telle chose autre qu'Allah. S'il fait cela, eh bien, cette bête est illicite. Et Ash-Shaykh dit, rahimahullah, wa in dhakara smallahi ma'ah. Même s'il cite le nom d'Allah avec. Même s'il dit par le nom du prophète et d'Allah. Par un tel et Allah. Eh bien, cette viande est illicite. Ash-Shart as-sadis. An yadhkura smallahi ta'ala alayha. فيقول عند تذكيتها بسم الله لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. La sixième condition est qu'il doit prononcer le nom d'Allah au moment où il la sacrifie, en disant Bismillah. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Sourate Al-An'am, le verset 118, et manger de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé si vous êtes véritablement croyant en ces signes. Et la preuve également est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma anhara ad-dam wa dhukira smullahi alayhi fakulu. Ce qui effuse le sang et sur lequel le nom d'Allah a été cité, alors mangez. Le hadith est authentique, apporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Et le shaykh fait une remarque extrêmement importante en disant: et il n'y a pas de différence entre celui qui délaisse le fait de prononcer le nom d'Allah de façon volontaire ou par oubli ou par ignorance. Car le verset est général. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-An'am, le verset 121, « Wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismu Allahi alayhi » et ne mangez pas ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été cité. Donc, lorsque l'on sacrifie une bête et que l'on ne dit pas Bismillah, que tu ne le dises pas volontairement, ou que tu ne le dises pas par oubli, ou que tu ne le dises pas par ignorance, dans tous les cas, cette viande est illicite. Et le cheikh, rahimahullah, dit, لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التسمية شرطا في الحل والشرط لا يسقط بالنسيان والجهل. Car le prophète صلى الله عليه وسلم a fait de cette tasmiya, de dire bismillah, une condition pour la licéité de cette viande. Et la condition ne peut être exempte par un oubli ou par une ignorance. Et il donne un cas similaire, rahimahullah, en disant: si cette personne tuait cette bête sans effuser le sang, par oubli ou par ignorance, est-ce qu'elle serait licite pour lui ou pas? Une personne qui tue une bête sans que le sang n'effuse, il la tue avec une pierre par exemple, en ne sachant pas que de tuer une bête avec une pierre rend cette bête illicite. Est-ce que le fait qu'il ne le savait pas, ou le fait qu'il ait oublié, est-ce que cela rend cette bête licite? C'est la même chose pour la tasmiya. À partir du moment où c'est une condition, cette condition ne peut être levée par un oubli ou par une ignorance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité deux conditions dans le hadith. Ma anhara ad-dam wa dhukira rasulullah alayhi fakulu. Ce qui la bête dont le sang a effusé et sur lequel vous avez prononcé le nom d'Allah, alors mangez. Il y a donc deux conditions qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si une règle est valable pour une des conditions, elle est valable aussi pour la seconde. Et si celui qui égorge et sacrifie est muet, il ne peut pas prononcer donc la tasmiya. Le cheikh dit, il lui suffit de faire un signe qui montre la tasmiya. Car Allah Azza wa Jalla a dit, fattaqullaha mastata'tum, et craignez Allah comme vous le pouvez. La septième condition est que le sacrifice doit être fait avec un objet tranchant qui effuse le sang. Que cet objet tranchant soit de fer, de pierre ou de verre ou autre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma anhara ad-dama wa dhukira ismullah alayhi fakulu ma lam yakun sinnan aw dhafra wa sa'uhaddithukum an dhalik amma as-sinn fa'azm wa amma adh-dhafr fa mudal habashah. Le prophète sallam a dit: ce qui effuse le sang et sur lequel le nom d'Allah a été prononcé, alors mangez, tant que ce n'est pas une dent ou un ongle. Tant que ce n'est pas une dent ou un ongle, c'est-à-dire avec quoi vous avez sacrifié. Et le professeur Hassem de dire, et je vais vous parler de cela. Quant aux dents, ce sont des os. Et quant aux ongles, ce sont les couteaux de l'Abyssinie. Les Abyssins, à l'époque du professeur Hassellem, tuaient les bêtes avec leurs ongles. Et les Abyssins étaient, à l'époque du professeur Hassellem, des chrétiens. Et les savants ont donné deux explications à ce hadith. Soit ce qui est voulu, c'est que Al-Habashah était des chrétiens, or il est interdit aux musulmans de ressembler aux non-musulmans. Et la deuxième explication des savants est que le fait de sacrifier avec des ongles est préjudiciable pour la bête. Et souvent la bête meurt d'étouffement et ne meurt pas d'égorgement. Car les ongles, même s'ils sont tranchants, ne sont pas tranchants comme un couteau ou tout autre objet utilisé à cet effet. Puis le cheikh cite, rahimahullah, la preuve qu'il est autorisé de sacrifier avec un objet tranchant issu de pierre. La preuve est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Najariyatan li Ka'b ibn Malik, qu'une servante de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, كانت ترعى غنما له بسلع. Elle guettait un troupeau de ghanem, donc le ghanem c'est les ovins et les caprins, Bissella. Et celle, c'est une montagne connue à Médine. Elle a vu une brebis parmi les ghanem qui mourait. Elle a alors cassé, fakasarat hajaran, fadabahataha bihi. Elle a alors cassé une pierre et elle a égorgé cette brebis avec cette pierre brisée. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. Et ils ont cité cela au prophète صلى الله عليه وسلم qui leur a ordonné de manger cette brebis. Et si la bête est tuée par autre qu'un objet tranchant, elle est illicite, comme le fait de l'étrangler ou comme le fait de l'électrocuter ou autre jusqu'à ce qu'elle meure. Et si il fait cela, c'est-à-dire s'il l'égorge, s'il il l'étrangle, ou si il lui fait un autre mal, comme le cheikh a cité l'électricité ou autre, et qu'il l'égorge comme il se doit, alors que cette bête est toujours vivante, alors cela est, elle, cette bête devient alors licite. Et le cheikh donne deux signes pour connaître et pour déterminer qu'une bête est toujours vivante. Walil hayat il mustaqirati ala matan ihdahuma an tataharrak. Le premier signe est que la bête bouge. Tant qu'elle bouge, elle est vivante. Athaniya an yajriya minha ad-dam al-ahmar biquwwah. Deuxièmement, que le sang rouge circule rapidement dans ses veines. Ceci est également une preuve que cette bête est toujours vivante. Ash-shart ath-thamin. On a dit qu'il y avait combien de conditions? 9. La huitième condition, inharu ad-dam ay ijra'uhu bid-dazkiyah. L'effusion du sang, c'est-à-dire le fait que le sang coule par l'égorgement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma anhara ad-dam, ce qui, la bête dont le sang effuse et sur lequel le nom d'Allah a été prononcé, alors manger. Puis le cheikh dit, si la bête, on ne peut pas la maîtriser, comme la bête fugitive qui se sauve, ou comme celle qui est tombée dans un puits, ou autre, alors il suffit de faire couler son sang, quel que soit l'endroit dans lequel son corps sera touché. Et le mieux, bien sûr, وَالْأَوْلَىٰ أَنْ يَتَحَرَّ مَا كَانَ أَسْرَعَ إِزْهَاقًا لِرُوحِهِ. Et le mieux, bien sûr, est de choisir l'endroit dans lequel tu vas blesser cette bête que tu ne peux égorger de façon normale, comme le Shir l'a cité en donnant quelques exemples, eh bien, de choisir l'endroit de son corps qui fera écouler le plus de sang et donc tuera cette bête de la façon la plus souple. لأنه أريح للحيوان وأقل عذابا. Car cela est meilleur pour la bête et cela la châtie le moins possible. Et si l'animal est maîtrisable, alors il est obligatoire que de faire effuser son sang de son cou en sectionnant les deux veines jugulaires, al-wajjain en arabe. Et le cheikh dit ce sont deux veines, deux grosses veines qui longent l'œsophage. Et le mieux dans le sacrifice, donc le minimum que dit le cheikh, c'est de couper les deux veines jugulaires. Et le mieux est de couper avec ces deux veines jugulaires la trachée. La trachée qui est la voie à travers laquelle passe l'air. Et al-mari, qui est l'œsophage. Donc, afwan, les deux veines jugulaires longent la trachée et non l'œsophage. Les deux veines jugulaires longent la trachée, et non l'œsophage. Donc la trachée, le mieux est de sectionner les deux veines jugulaires, de sectionner avec les deux veines jugulaires la trachée, et de sectionner avec, en plus, l'œsophage, qui est l'endroit par lequel passe la nourriture et les boissons. Ceci afin que le sang s'effuse de façon uniforme et de façon rapide. Et le cheikh dit, وَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى قَطْعِ الْوَجِدَيْنِ حَلَّتِ تَذْكِيَهِ. Et s'il se contente de sectionner les deux veines jugulaires, eh bien, la viande ou la bête devient licite. الشرط التاسع, la neuvième condition, أن يكون المذكى مأذونا في ذكاته شرعا فأما غير المأذون فيه فنوعان. Neuvième condition est que la bête que l'on sacrifie, qu'il soit autorisé de la sacrifier juridiquement en islam. Et les bêtes qui ne sont pas autorisées sont de deux sortes. La première, celles qui sont interdites par le droit d'Allah, qasayd al-haram wal ihram, comme les bêtes qui vivent dans la terre sacrée. Il est interdit de les tuer. De chasser, afwan, sayd al-haram, de chasser les animaux dans la terre sacrée et de sacrifier en état d'ihram. Afwan, kasayd al-haram wal ihram, na'am. De chasser en état d'ihram ou de chasser dans la terre sacrée. Même s'il le sacrifie. Car dans la chasse, il n'est pas obligatoire de sacrifier la bête que tu chasses. Si tu chasses avec un fusil, par exemple, ou si tu chasses avec des flèches ou autre, si la bête meurt de cela, tant que tu chasses et que tu as prononcé le nom d'Allah, cela est illicite. An-naw'u thani, la deuxième chose, les deuxièmes bêtes qu'il est interdit, c'est celles qui sont en rapport avec le droit des créatures, comme les bêtes usurpées, celles qui sont volées. Ainsi, celui qui égorge une bête volée ou une bête usurpée, eh bien, il y a dans la licéité de cette bête deux avis des savants que le cheikh a cité dans le livre initial. Puis le cheikh parle des comportements à avoir au moment où on sacrifie la bête. Et ces comportements ne remettent pas en cause la licéité de la bête, mais il est recommandé de les faire. Awalan, istiqbal al-qibla, de se mettre en direction de la qibla au moment où l'on sacrifie. Deuxièmement, de sacrifier convenablement en utilisant des objets tranchants aiguisés, et l'égorgement doit être fait avec force et rapidité. Et il a été dit que cela est même une obligation, et c'est l'avis que le cheikh considère, que cela est obligatoire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a prescrit la bienfaisance dans toutes choses. Lorsque vous tuez, tuez bien, et lorsque vous égorgez, égorgez convenablement, et que l'un d'entre vous aiguise son couteau et qu'il tranquillise sa bête. Donc le cheikh considère que cela est une obligation. Troisièmement, parmi les comportements à voir, que le chameau, l'on pratique sur lui un nahr, et on a expliqué ce qu'était un nahr tout à l'heure. En dehors du chameau, c'est un dhabh. Le chameau, lorsqu'on fait al-nahr, doit être debout, la main gauche attachée. Et si cela est difficile, alors il peut la tuer lorsqu'elle est assise. Le reste, ou en dehors du chameau, eh bien, il est recommandé d'allonger la bête sur son côté gauche, sauf si le sacrificateur est gaucher. Dans ce cas, il place ou il allonge la bête sur son côté droit. Et le cheikh dit et il est fait partie de la sunna de poser son pied sur son cou afin de le stabiliser. Quant au fait de monter dessus et de tenir la bête par ses pattes, il n'y a aucune source de cela dans la sunna. Et les savants ont cité que parmi les bénéfices de laisser les pattes de la bête libres et que cela facilite l'effusion du sang. Quatrièmement, ce qui est recommandé de faire, c'est de sectionner la trachée et l'œsophage en plus des deux veines jugulaires qui, elles, font partie des conditions. Cinquièmement, le comportement à avoir et de cacher le couteau lorsque l'on l'aiguise, afin que la bête ne le voit pas. Sixièmement, de faire le takbir après la tasmiya. On a dit que la tasmiya était une condition, et le takbir est une sunna recommandée après la tasmiya, de dire bismillah wa wallahu akbar. سابعاً أن يسمي عند ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير. Septièmement, ce qui est recommandé de faire pour celui qui sacrifie, lorsqu'il sacrifie une أضحية ou une عقيقة, de citer le nom de celui pour qui il sacrifie. Après avoir cité le nom d'Allah et le تكبير, il demande à Allah que cela soit accepté en citant son nom. Il donne le cheikh un exemple en disant Fayakul Bismillah Wallahu Akbar Allahumma minka walak ou Allah, cela provient de toi et cela est pour toi. Car la bête, elle provient d'Allah. C'est un rizq, une pourvoyance qu'Allah t'a accordée et tu la sacrifies pour Allah. Et le cheikh dit Wa in kunta. Donc, si elle est pour toi, tu dis Allahumma minka wa lak anni. Et si tu dis pour quelqu'un, par exemple, tu dis Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma minka wa lak an fulan. An fulan. Et tu nommes la personne qui t'a mandaté ou pour qui tu sacrifies. Les choses détestables, et on terminera par cela, inshallah ta'ala, les choses détestables au moment du sacrifice. Que le sacrifice soit fait par un objet qui n'est pas bien aiguisé. Et il a été dit même que cela est interdit et c'est l'authentique. C'est l'avis de Cheikh Al-Uthaymin que de sacrifier avec un objet qui n'est pas bien aiguisé est interdit. D'aiguiser le couteau devant la bête, cela est déconseillé. De sacrifier une bête alors que l'autre regarde. De sacrifier une bête devant une autre bête. Cela également est détestable. De faire, après avoir sacrifié la bête, de faire ce qui pourrait la châtier avant que son âme ne quitte son corps. Comme le fait de casser son cou, ou de la dépecer, d'enlever sa peau, ou de couper des membres de cette bête avant qu'elle que son âme ne quitte son corps. Et il a été dit même que cela est interdit, wa huwa sahih. Et certains savants ont même dit que cela est interdit, et c'est l'avis que considère Cheikh Al-Uthaymin, qu'il est interdit de faire ce qui pourrait châtier la bête tant qu'elle n'est pas définitivement morte. Et ainsi se termine le résumé que Cheikh Rahimahullah Ta'ala a fait de son livre « Ahkam al-Udhiyati wa-Zakah », un livre ou un résumé qu'il a écrit, rahimahullah, le 13e jour de Dhul-Hijjah de l'année 1400, soit à quelques jours près, combien d'années ? 34 ans. Donc ça fait 34 ans que Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, a écrit cette lettre. Et 34 ans après, les musulmans en profitent toujours et sa science parcourt l'ensemble de la planète et nous demandons à Allah Azza wa Jal de lui pardonner ses fautes et de l'élever en degré et de faire que sa tombe soit un jardin parmi les jardins du paradis. Ainsi, le musulman se doit de connaître la valeur des savants et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.